chercheuse. C'est tous les samedis et dimanches sur France Culture avec des scientifiques, des universitaires, des spécialistes, mais surtout, surtout des passionnés. Notre tête chercheuse est Olivier Vickers, bonjour. Bonjour. Vous êtes haut fonctionnaire, mais vous avez publié aussi des essais sur Sartre, sur Proust, chez Gallimard et Flammarion. Et depuis 20 ans, vous travaillez sur Caravage, sur lequel vous avez publié des articles et des conférences. Et là, vous venez de finir tout un essai, La peinture en exil. Et c'est donc votre compagnie qu'on va parler du Caravage. Caravage, perdre le jour. Et si on commençait par expliquer le titre, Olivier Vickers ? Oui, ça me paraît une très bonne idée. Cette idée d'un perdre le jour en cinq tableaux et voir la radio, c'est un vrai défi, mais je pense que nous y parviendrons. Mais c'est aussi cinq moments, entre 1590 et 1610, les 20 ans d'activité du peintre. Le jour, c'est encore, vous vous en souvenez, dans la Genèse, au début donc de la Bible, ce que Dieu crée une fois qu'il a vu que la lumière était bonne. Dieu crée la lumière, il vit qu'elle était bonne, et il l'appela le jour. Donc le jour, c'est en quelque sorte la lumière plus son symbole, et on verra l'usage que fait Caravage de la lumière dans sa peinture, très loin des symboles. Si la lumière est bonne, on peut penser que l'obscurité et la nuit ne le sont pas, sont mauvaises, et si Caravage ne fut jamais un nocturne, nous y reviendrons, pas un nocturne avec des chandelles, des miroirs, c'est évidemment un peintre marqué par la présence de l'ombre, mais aussi du crépuscule. Le jour, enfin, c'est ce dont parle Freud, dans une note de bas de page, pourtant très importante comme le sont parfois les notes de bas de page, reléguées à tort quand le texte principal peut-être pourrait céder sa place. Quand il fait dans cette note de bas de page le récit d'un enfant qui a peur du noir et qui, une fois la lumière éteinte, demande encore à l'adulte à côté de lui, dans la pièce à côté, de lui parler. L'adulte ne comprend pas, il fait noir, dort, pourquoi parler ? Et l'enfant a cette réponse magnifique, il fait jour parce que quelqu'un parle. Donc le jour, c'est aussi la langue. Et nous verrons là encore en quoi perdre le jour, c'est peut-être perdre les mots. Ce verbe de perdre, d'ailleurs, on l'utilise souvent, perdre au jeu. Et il arrive aussi qu'on perde, plus étrangement, ce qu'on n'a pas. Et pour ce qui est du jour, dans le rapport du Caravage au jour, et nous essaierons de montrer cela, en effet, le jour est moins une chose qu'on aurait et puis qu'on aurait perdu, selon Caravage et sa peinture, qu'une chose peut-être qui nous a et nous perd. Caravage, perdre le jour, cinq tableaux. Et on va commencer par un David tenant la tête de Goliath. Ce tableau est aujourd'hui à la Galerie Borghese à Rome. Neveu du pape, grand collectionneur et qui était célèbre pour son amour des toiles du Caravage, on y reviendra, au point qu'il faisait, dit-on, même enfermer des collectionneurs pour leur dérober contre leur liberté les toiles du Caravage. Et on verra qu'il propose à Caravage de le gracier après le meurtre qu'a commis le peintre, en échange de deux tableaux, dont ce David et Goliath dont nous allons parler. Finir autour de Caravage, évidemment, les idées de biographie calamiteuse, de nuit, de mauvais personnages, nous ont insinué dans l'esprit, en quelque sorte, qu'il devait mal finir. Il va mourir jeune, avant l'âge de 40 ans, en exil, condamné à mort par contumace pour cet assassinat. Et cette idée de finir mal, elle est souvent accolée par notre vision romantique du génie. Pensez à Rimbaud, on raconte encore que dans les cahiers de français du petit Rimbaud à Charleville, un professeur de français a écrit « devrait mal finir ». Si tous nos élèves finissaient comme Rimbaud, peut-être que la langue française, malgré l'appui de France Culture, ne serait pas dans la difficulté que l'on connaît par rapport à l'anglais. Donc d'ailleurs, s'agissant de finir, on verra qu'avec Caravage, il s'agira toujours plutôt d'interruption. Et à vrai dire, quant à finir, ça n'en finit pas avec lui, ça se répète. Les thèmes des tableaux, les sujets choisis, au-delà du hasard des commandes ou du succès d'un premier tableau qui fait qu'on en commande un autre, il y a une insistance, une répétition. Mais aussi dans les épisodes de la vie, les rixes, les querelles, les séjours en prison, tout ça se répète jusqu'à ce meurtre qu'il commet un jour sur le champ de Mars, lors d'une partie de balles, de raquettes, de jeux de paume sans doute, qui tourne mal et il oxie un de ses adversaires, accomplissant un geste ainsi maladroit, puisqu'on raconte que l'adversaire était à terre, ne le menaçait plus. Et donc c'est un geste étonnant de maladresse pour un peintre, et un geste cette fois sans repentir. En peinture on peut corriger, dans la vie non. Et le peintre, après ce meurtre, n'attend pas le jugement, s'enfuit et est condamné à mort par contumace. Donc le tableau est peint en 1610, alors que le peintre, en exil depuis 4 ans après ce meurtre, veut revenir à Rome et a obtenu du cardinal Borghese en échange de ces deux tableaux, sa grâce. Le tableau montre une tête coupée, en effet, celle de Goliath, et première stupéfaction, si j'ose dire, même si toute tête coupée stupéfacidaire, on y reviendra, Caravage a prêté ses traits à Goliath. On le sait parce qu'on dispose d'autoportraits du Caravage et puis de portraits de lui faits peints par d'autres, et donc il n'y a pas de doute, cette tête de Goliath, c'est le Caravage qui s'est prêté un front percé, sanglant, des traits ahuris et stupides, et donc a donné ses traits à Goliath. Restons un peu sur la tête coupée. La tête coupée, elle nous frappe aujourd'hui comme en 1610. Je ne suis pas certain qu'il faille aller jusqu'à la théorie de la castration chez Freud, mais il est certain que les terroristes d'aujourd'hui l'ont bien compris, puisque que font-ils à longueur, malheureusement, de drames ? C'est essayer de mettre dans les images ces décapitations, ces décollations. Dans le tableau, David tend la tête de Goliath au premier plan comme un trophée, et à travers cette vision, cette présentation, et que nous font aussi les terroristes, le pari, et ça répond à votre question, c'est que ce qui est présenté n'entraîne pas toujours chez l'autre à qui on le montre une représentation. Comment se représenter la décapitation, la décollation et la sidération ? C'est sans doute cela, une chose qui vous est mise sous les yeux, présentée, et que vous ne savez pas vous représenter. Ça peut être l'origine, ça peut être la vérité, tout ce qui méduse. Et Caravage, dans cette atmosphère très sombre, il faut aussi se souvenir que c'est un exact contemporain de Shakespeare, qui n'est pas moins sombre dans son théâtre. Et aussi, on le note moins souvent, mais pour l'aspect aventureux, courageux et à combattre des moulins, c'est aussi un contemporain de Don Quichotte, dont le premier volume paraît en 1605. D'ailleurs, Caravage joue à se voir mort, pour parler de comédie, puisqu'évidemment, il peut se peindre la tête coupée. Il n'est évidemment pas mort, même si sa mort avait été annoncée d'ailleurs par erreur un an avant par les courts journaux de l'époque. Tableau ambigu malgré tout, puisque l'expression de David, on ne sait si elle est de compassion, de douceur, de regret. On est loin de l'idée du bon qui triomphe du méchant. Autre ambiguïté sur l'épée que tient David, des lettres à demi effacées sont difficiles à lire. Parfois on les lit, sont des acronymes. On y voit un raccourci latin où l'humilité aurait été aurait oxy la superbe, donc un tableau de repentance. D'autres fois on y lit simplement Michelangelo Caravaggio opus, donc une affirmation de soi. Caravage, à travers la décollation, recherche en effet la sidération, qui littéralement est une errance sous de mauvais astres. En 1610, Caravage meurt, mais c'est aussi l'année où Galilée va publier son fameux Messager céleste, ou Messager des astres, voire Messager du désastre, qui change aussi la manière de voir le monde à travers l'observation qu'on a fait Galilée par son télescope. Et le tableau, ici, dans la peinture de Caravage, joue un peu le même rôle que le télescope chez Galilée. Tableau sombre, on pense au vers de Baudelaire, je cherche le vide, le noir et le nu, moment sans doute en 1610 où le peintre lassé cherche à se défaire de soi, ne plus être, ne pas être, oublié, qui sait. Et peut-être a-t-on mal regardé le tableau en voyant en Goliath la victime. C'est peut-être David qui en vit cette fin, lui doit continuer à exister, régner. Après cette victoire sur Goliath, le règne de David commence, tandis que Goliath est fini, achevé. Et décoller, il n'est pas diminué. Parce que la décollation, à la fois, elle nous multiplie. Hein, on était un, on est deux, donc on est à la fois diminué et augmenté, mis en morceaux, mais aussi peut-être éloigné enfin de cette unité biographique, psychologique, qui fait que David est seulement David, tandis que Goliath est déjà autre chose, un puzzle, mais un puzzle que nul ne voudrait rassembler pour avoir une image unique et peut-être fade. Donc ambiguïté du rapport de Caravage à la décollation, à la manière de la montrer. Caravage peint ce tableau en 1610, on l'a dit, il ne reviendra pas, il va mourir lors de cette tentative de retour d'exil qui tourne court et mal. Mais plus profondément, on pourrait dire, à le regarder stupide et hagard dans ce tableau, et sans doute agonisant dans la vie, puisque la mort a fait ressemblant, et la mort de Caravage, c'est quelque part sur un rivage, seul, son corps jeté dans une fosse commune, et bien la mort a fait ressemblant, et si Caravage ne reviendra pas à Rome, ne reprendra pas sa carrière, n'aura pas la grâce, on peut dire surtout qu'il n'en revient pas. Et c'est sans doute cela la fin dans cette peinture, et pour qui la regarde, ne pas en revenir. Alors, si vous ne connaissez pas le tableau, vous savez qu'il y a tout à votre disposition à la page de l'émission. Et donc, un lien pour voir cette toile, David tenant la tête de Goliath. Une exposition qui a lieu en ce moment à Paris, à l'exposition Jacques Marandré, de Giotto à Caravage. Et là, Olivier Vickers, on peut voir trois tableaux de Caravage. Un tableau de ses débuts, un autre tableau à une époque où il était déjà bien installé, et puis un de ses

la chapelle d'Escrovigny à Padoue pour Giotto, la recherche du temps perdu pour Proust. Il faut ce grand lieu, cette rencontre avec l'œuvre presque totale et absolue, et sans doute Saint-Louis des Français qui abrite trois très grandes toiles du Caravage, et vraiment le lieu caravagesque par excellence, y compris aujourd'hui, puisque les toiles sont restées bien en place dans l'église. Donc pour Caravage, le cycle de Saint-Matthieu à Saint-Louis des Français, une église très en vue de Rome dans les années 1600, et la chance de sa carrière de peintre, puisqu'il y est imposé par ses protecteurs, pour mettre un terme à un scandale qui était le fait que la chapelle funéraire du cardinal, d'ailleurs français angevin, Matthieu Cointrel, fût restée nue, malgré les dispositions testamentaires de ce cardinal, puisque le cardinal était mort comme tout le monde, mais lui, il voulait une tombe comme personne, où le berceraient les images de son saint éponyme, Matthieu. Cointrel décrit longuement, comme c'est l'usage à l'époque, les images qu'il veut voir dans son testament. Le testament n'est pas exécuté, le scandale progresse, et les protecteurs de Caravage imposent ce jeune peintre connu depuis 1590 pour des jeunes gens chevelus et bouclés, une toile des peintures claires et lumineuses et profanes, l'impose pour la première fois dans le registre de la peinture sacrée. Caravage ne va pas évidemment du tout faire comme on l'attend ou comme attendait le malheureux Cointrel, prouvant une fois de plus que les mots et les images, ça ne va pas toujours très bien ensemble, même si nous vous parlons, chers auditeurs, à l'oreille, d'images que ni vous ni moi nous voyons. Sauf si on passe par le net. Par le lien. Pour ce tableau disponible à la page de l'émission. Merci Olivier Vickers. Voilà, je souhaitais un moyen de vous donner l'occasion de le rappeler. Alors, Caravage est-il en effet bien vu à Saint-Louis des Français? Déjà, il prend ce nom de Caravage. Jusqu'à présent, il s'appelle Mérisive. Caravage, du nom du village d'où il vient, un village près de Milan, c'est l'habitude à l'époque. Véronèse vient de Vérone, le parmesan de Parme, et le tintoré d'une famille de teinturiers. C'est son premier exercice de peinture religieuse sacrée, je le rappelais, jusqu'à présent il était dans la peinture de genre, profane, un lieu où il impose, donc Saint-Louis des Français, l'huile plutôt que la peinture à fresque, qui était plutôt la tradition, et, comme vous le rappeliez vous-même, le fameux clair-obscur, une technique jusque-là peu utilisée à Rome, et jamais sur d'aussi grandes surfaces, puisque ces deux huiles sur toile sont des tableaux de plus de 3 mètres de hauteur et de côté, le tout dans une incommode chapelle, une chapelle incommode, étroite, hein, où aujourd'hui encore l'œil rentre de biais et le recul est très difficile à prendre. Donc Saint-Louis des Français, c'est vraiment le fiat lux du Caravage, faire la lumière sur Matthieu, sur la peinture sacrée et sur lui-même comme Caravage peintre célèbre. Il entre Mérisy, jeune peintre de jeunes gens chevelus et bouclés, il sort Caravage, grand peintre, avec ce titre, ce nom. Mais c'est aussi le lieu d'un fort scandale. Zuccaro, qui est le peintre très classique de l'époque, fondateur de l'Académie de Saint-Luc, se précipite dans la chapelle, puisqu'on parle beaucoup des tableaux une fois qu'ils sont dévoilés en septembre 1600, et arrivé devant ces tableaux, il a ce mot terrible, il dit « quel est ce bruit ?» Alors évidemment, ce bruit, le bruit qu'on fait autour des tableaux, mais aussi le bruit qui émane des tableaux, puisqu'il suffit aujourd'hui encore de regarder ce clair-obscur violent pour entendre comme le fracas d'une déchirure, un miroir brisé. Et en somme, Zuccaro, dont il est bon ton de se moquer aujourd'hui comme académicien, qui n'aurait pas compris ce génie Caravage que nous, tous les jours, nous comprenons, puisque nous avons la chance de vivre 400 ans après, le mot n'est pas si mal choisi. Ouais, c'est un beau compliment, même. Oui, involontaire, parce que pour Zuccaro, c'est une insulte. Enfin, il veut dire nulle harmonie, c'est un bruit incongru qui échappe, comme nous n'en laissons pas échapper dans ce studio. C'est l'inverse de l'art. Oui. Mais c'est quand même donné acte, en effet, de la violence de l'image, et on pourrait dire d'ailleurs dans ce lieu un peu incertain, cette lumière dont on voit pas la source, cette violence qu'il ne fait pas jour. Hein, par rapport à l'œil de l'époque, on est très très loin d'une opposition classique, jour baigné par la lumière divine ou pure nuit d'un nocturne. Mais est-ce qu'on peut dire, Olivier Vickers, que c'est là que commence le Caravage, le style Caravage? Alors, au sens le plus classique des chroniques, oui, mais j'ai tenté de vous dire déjà à travers la nature morte, comme pour peindre une nature morte de Caravage, il fallait déjà être ce Caravage pour qui le visible, on y reviendra, était tout, et qu'ensuite la biographie déforme un état primitif. Et finalement, à Saint-Louis des Français, que voit-on? On voit un brave personnage, Lévi, percepteur pour le compte des Romains, devenir Matthieu saint catholique, chrétien en tout cas. Et ce qui dans l'église classique est un achèvement, une élévation par Dieu, semble vu par Caravage au contraire une sorte de stupéfaction de Matthieu lui-même et du peintre qui se peint dans le martyre de Saint-Matthieu avec un visage déformé, presque inquiet, douloureux, comme un événement pas si gai que ça. Il se passe bien quelque chose, comme vous m'incitez à vous le dire dans cette chapelle, mais il ne se passe pas seulement que Caravage devient Caravage, il se vient que Lévy devient Mathieu. Et donc on a une double transformation, d'où aussi la violence, et il n'est pas certain que finalement Caravage soit si heureux que cela de devenir Caravage, d'où ce visage triste, une moue stupéfiante dans son autoportrait, et aussi la stupéfaction de Mathieu. C'est-à-dire que le clair-obscur, c'est une technique de dramatisation de l'instant. Instant d'être soi, la vocation de Saint Mathieu, du martyr, le martyr de Saint Mathieu, on n'était rien, on devient quelqu'un, mais quelqu'un qu'on était déjà. Donc transformation au bouleversement, la révélation, c'est un thème qu'on retrouve très souvent dans la peinture du Caravage. Avec le clair-obscur, vous la rendez immédiate, brutale, on vous la jette au visage, on vous jette au visage qui vous étiez sans le savoir. J'étais Mathieu en me croyant Lévy. J'étais grand peintre d'histoire sacrée quand je me pensais petit peintre de genre. Chez Caravage, cette révélation, elle est vraiment ambiguë. Devenir soi, finalement, est-ce que c'est mieux qu'être rien? Et puis, est-ce que rien, c'est pas aussi être tout? Est-ce qu'on serait pas mieux sous forme de pomme ou de grenade que d'individus nommés, séparés et reconnus? Le tableau est d'ailleurs construit d'une manière centrifuge, hein. Tout va vers l'extérieur, on dirait l'effet d'une explosion. La lumière est une sorte de physique sans intention qui frappe, touche, éclaire, mais des surfaces plus que des visages. Quelque chose se propage, c'est vraiment un phénomène physique, j'insiste, sans intention, on est très loin de cette vision d'une lumière divine qui désigne, rassure, qui est la beauté, qui est le bien. On est dans une sorte, en effet, de laboratoire de physique où soudain, tout est commandé par une mécanique naturelle, sans intention divine. La violence de la scène par laquelle nous avions commencé David et Goliath évoquait l'idée de se défaire de soi. Là, il est tout aussi violent d'être soi, de devenir saint. Comme s'il fallait, ça ne suffisait pas d'être un anonyme, il fallait en plus être un saint. Être deux fois, être redoublé, répété, et sans avoir rien demandé, là encore. On pourrait évoquer ce cri de Georges Bataille dans l'expérience intérieure, ou dans l'introduction, il s'exclame « Comment peut-on renoncer à être tout ?» Parce que finalement, une fois qu'on est Mathieu, on est fini, achevé, on l'est pour toujours. Et ce n'est peut-être pas un cadeau que fait là la divinité aux hommes que de les nommer et de les reconnaître. Cette déchirure du clair-obscur, elle est l'opposé d'une continuité, d'une sage progression, ce qu'on aimerait connaître sous forme de biographie, des épisodes qui s'enchaînent. Non, voilà une coupure radicale. C'est aussi une interruption. Tant le Christ quand il désigne Mathieu que le bourreau quand il le martyrise interrompent cette vie. Et loin de cet achèvement, de cette élévation dans la sainteté, le martyr que nous enseignent les églises, d'une certaine manière, l'intervention divine ou via le bourreau chez Caravage, c'est plutôt une sortie de route, on est dérangé, on est détourné. Voilà, on était finalement plus, sans doute plus soi, plus totalement soi quand on était la pomme dans le compotier, qu'on devient le saint en pleine lumière, sous un coup de projecteur. D'une certaine manière, à trouver figure, puisque c'est la figure de Mathieu qui vient recouvrir celle de Lévy et finalement la figure du martyr, celle du saint, si finalement on était défiguré. Chez Caravage, à travers cette peinture de nature morte, mais aussi ses visages ébahis, surpris, c'est comme si la face, la surface, venait effacer les traits du visage ou remplacer par l'ébahissement, la sidération et la grande surprise, le visage biographique des portraits hollandais. C'est une surface brutalement éclairée que par habitude on va nommer Mathieu, vous ou moi. C'est comme si à nommer Caravage, ce nom qui en français d'ailleurs a peut-être fait beaucoup pour sa réputation chez nous, qui sonne comme rage ou ravage, hein, mais des assonances qui n'existent évidemment qu'en français et pas en italien, c'est comme si à nommer on était blessé, amputé d'une sorte d'avant, d'antériorité, d'infini, d'indéfini, et que toute subjectivité, toute biographie était une chute dans le soi, un soi unique, limité, qui en a fini avec quelque chose qui n'est pas nommé dans la peinture. On ne voit que la blessure apportée à quelqu'un ou à quelque chose. Et je pense que ça sera intéressant de s'interroger sur qu'est-ce qui est blessé par la nomination, la reconnaissance, la désignation dans la peinture du Caravage, dont la violence du clair-obscur atteste de la violence de la blessure. Le martyr de Saint-Mathieu, si vous voulez avoir une idée de cette toile, un lien pourra vous y guider à partir de la page de l'émission. Mais Olivier Vickers, vous qui analysez très bien avec brio les toiles, toile du Caravage. Est-ce qu'on peut dire que tout ce questionnement philosophique que vous nous faites ressortir traversait l'esprit du Caravage, en rappelant que vous nous avez rappelé, à juste titre, que le Caravage était quand même le contemporain d'un Shakespeare ou d'un Don Quichotte. Donc on a deux exemples, on a ce théâtre tragique. Qu'est-ce qui se passait dans la tête du Caravage au moment où, justement, il devait s'atteler à cette toile comme si c'était un défi? Alors, Toufik, je vous répondrai en deux temps. D'abord, en vous retournant la question, quelle est la dernière fois que vous avez été reconnu ou méconnu dans votre vie? Et est-ce que cette dernière fois, en tant qu'elle aurait blessé quelque chose en vous, on vous a trouvé une ressemblance à altérer votre sentiment de l'unicité? On vous a méconnu, vous vous êtes senti ignoré? Est-ce que cela revient ou pas quand vous regardez la reconnaissance de saint Matthieu par le Christ ou par le bourreau? Déjà, est-ce que cela vous revient? Et est-ce que ça vous revient, que les autres ne vous reviennent pas quand ils vous méconnaissent ou vous agressent? Eh bien, je pense que chez Caravage, la traduction dans la peinture de ce rapport à l'autre, de ce rapport de surface, de violence, nous essaierons de montrer que c'est au cœur de sa perception du monde. Donc sa peinture le reflète, le traduit, sans qu'il ait, lui, besoin des mots que nous venons mettre ensuite sur ces tableaux, il va de soi. Alors après, une grande œuvre, elle contient déjà la somme des interprétations des époques successives. C'est ça, sa valeur. Ensuite, la question de l'intention de l'artiste, consciente, inconsciente, présente, c'est un élément de la réponse, mais ça n'est pas la seule réponse. L'important, c'est que vous continuiez, face au clair-obscur, à vous dire que c'est une technique au service d'une métaphysique et que ce moment d'être soi est un mauvais moment à passer, mais il est indépassable. Et vous prenez appui sur les saints Jean-Baptiste de Caravage, en particulier le dernier, un saint Jean-Baptiste au désert, un des derniers tableaux peints par le peintre dans des teintes passées, crépusculaires. Pourquoi ce choix, Olivier Vickers? Alors c'est presque une question que nous aurions pu poser à Caravage, puisque le Caravage a peint pratiquement 10 fois ce sujet de saint Jean-Baptiste, dont 7-8 fois au désert, sur une production totale. Les historiens d'art se disputent encore sur le sujet qui n'est pas fondamental, mais enfin on juge en général que Caravage a peut-être peint 50, 60, 70 tableaux, donc 10 fois saint Jean-Baptiste, ça n'est pas rien. 7 ou 8 fois saint Jean-Baptiste au désert, c'est tout à fait intéressant, d'autant que le bon lecteur des évangiles que nous avons peut-être été dans notre jeunesse se rappellera que selon les évangiles, saint Jean-Baptiste se nourrit au désert de sauterelles et de miel sauvage, donc c'est une vie frugale. Comme les tableaux de saint Jean-Baptiste sont une peinture un peu pauvre, d'art pauvre, pour dire par anticipation, puisqu'il suffit d'un jeune homme, une peau de bête, un drap rouge, une croix, parfois un bélier, et vous avez un saint Jean-Baptiste. Et un saint Jean-Baptiste au désert qui n'est pas encore saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste au désert, il n'a pas commencé le prêche, les baptêmes, il s'est retiré, on n'est pas sûr qu'il reviendra. Donc tableau de suspension, tableau d'ailleurs, peut-être d'exil, en tout cas au désert. Cette frugalité, ce pas grand-chose pour faire un tableau, c'est parfois trop d'ailleurs, ou parfois déjà trop, si on ne sait pas finalement maîtriser ni la peinture ni la vie. Caravage peint, je l'ai dit, une dizaine de fois le thème, mais une dizaine de fois tout au long de son œuvre. Donc autant au début dans les teintes lumineuses, ensuite crépusculaire, et donc on va de la comédie au drame. Les premiers saint Jean-Baptiste du Caravage, ce sont des jeunes gens nus, insolents et rieurs, qui regardent vers le spectateur dans une sorte de tenue, au sens large de la tenue. Ils sont nus et une attitude provocante. Ensuite, c'est plus sombre, obscur, ils sont maussades, chevelus, un peu accablés. Et on finit par celui de 1610, qui est peut-être le plus sombre, le plus triste de tous, comme un tour éventé qui ne fait plus rire. Au début, on riait, et là, quelque chose ne fait plus rire. Comme autant d'autoportraits à différentes époques? Alors, moi, je pense pas du tout que ce sont des autoportraits du Caravage, mais sans doute de la peinture, de ce qu'elle rapporte à qui peint et qui regarde. Oui, il y a quelque chose qu'on espérait qui n'est plus là. Une chose qui s'est estompée, une chose qui s'est dissipée, la figure, un peu comme vous allez à la cave suivre le millésime de votre vin, le millésime Baptiste s'assombrit, s'estompe, et on avait commencé rieur, on finit goguenard. Le dernier, il nous regarde, maussade, avachi, le rouge est un rouge passé, le grand drap semble plus une voile tombée à terre qu'une voile prenant les vents, de grands lierres verts mais sombres passe par derrière la tête de Baptiste, comme un rappel ironique de couronnes plus glorieuses, des Bacchus plus réjouis. Et au premier plan, un bélier nous tourne le dos, et il fait mieux que de regarder la peinture ou un saint, il broute. Et il y a là aussi, comme une sorte de contrepoint ironique, il y a peut-être toujours mieux à faire que de regarder un saint au désert, peut-être toujours mieux à faire et plus nourrissant que de regarder de la peinture. Nous pensons évidemment, vous et moi, tout le contraire. Je vais essayer de montrer qu'il ne faut pas forcément suivre le conseil du Bélier et se détourner des tableaux. En revanche, le Baptiste du Caravage, quand il nous regarde, Mossad, Goguenard, il semble nous interroger, enfin, qu'est-ce qui vous prend, vous autres spectateurs, de vous obstiner à regarder, nommer, croire. Dès les débuts, avec le jeune homme nu que Caravage prétend appeler Baptiste, en quelque sorte, le corps nu, présenté, toujours ce thème de la présenter, met au défi notre représentation de saint. Il n'y a rien pour reconnaître un saint Jean-Baptiste. La croix se voit à peine, on voit à peine la peau de bête, et ce jeune homme est un corps finalement banal qui pourrait être le corps de n'importe quel jeune homme, sans le symbole. Donc défi lancé au spectateur. Souvenez-vous du fameux « ceci n'est pas une pipe » de Magritte, qui consistait en effet à mettre en cause votre représentation tout en mettant une pipe dans le tableau, mais une pipe peinte n'est pas vraiment en effet une pipe avec laquelle on puisse fumer. Et là, le Caravage, d'une certaine manière, nous met un Baptiste sous les yeux tout en disant « ce n'est pas Baptiste ». Donc un tour de magie que le temps passant, on sent le peintre toujours disposé à jouer, puisqu'il finit ce Baptiste de 1610, c'est un des deux tableaux qu'il emporte avec lui, avec le David et Goliath, pour acheter sa grâce. Hein, donc pratiquement le dernier tableau qu'il ait peint avec le Goliath. Mais un tour qu'on continue de jouer avec moins de conviction, un peu comme si au cirque, une fois la femme découpée dans la caisse magique, on ne se souciait plus de recoller les morceaux. On sent dans ce tableau, au rouge passé, aux teintes estompées, aux ocres très soutenues, une fatigue de signifier. Mais comme une fatigue de signifier qu'il n'y a rien à signifier. Donc rien à nommer, rien à reconnaître, que des corps visibles qui n'en peuvent plus qu'on les prenne pour des saints, qu'on confonde des corps avec des biographies. Désenchanté, blasé à ce moment, Caravage. Alors, il y a un double mouvement chez le Caravage. Je pense que si on est complètement désenchanté et blasé, on ne peint plus. On fait autre chose, on se promène, on achète une voiture, ou on part, je ne sais pas où. Donc il peint encore, donc il a encore une chose à prouver, éprouver, vérifier, aller savoir. Non, je pense que quelque chose d'un espoir s'est estompé, mais en retour, quelque chose est satisfait. Quand on était petit, on disait « tu fais l'âne pour avoir du son ». Donc Caravage, il fait l'âne quand il fait comme si le saint n'était pas Baptiste. Il le sait bien qu'il peint un saint Jean-Baptiste. Il sait bien que la personne qui regarde sait que c'est saint Jean-Baptiste. Et il fait comme il ne le savait pas. Donc il faut bien que dans ce jeu, jeu au sens aussi où des pièces ne s'emboîtent plus, quelque chose se satisfasse. Voilà, quelque chose qui n'est pas facile ni de nommer, ni d'approcher. Et à chacun, en fonction de l'intensité de son ressenti face à un tableau, de savoir quel écho ce type de jeu trouve en lui. Donc c'est pas l'absurde de Shakespeare, hein. Macbeth, 1606, une histoire de fou, de bruit de fureur, un fou, un idiot. C'est pas l'absurde, mais une fatigue de signifier et de s'obséder à toujours nommer et à toujours jouer sur les noms, le langage. Alors, sans être là aussi forcément lacanien, il faut peut-être évoquer la naissance de Caravage, car je vous sens, cher Toufik, intéressé par la biographie de Caravage. Mmh. Caravage, il naît un 29 septembre, c'est sans doute pour ça qu'il s'appelle Michel, c'est le jour de la Saint-Michel. Mais il naît un 29 septembre de 1571, c'est-à-dire 8 jours avant les Pentes, la grande bataille où, comme Michel terrasse le dragon, la chrétienté terrasse le turc, comme un vulgaire dragon dans un fond de Méditerranée. Et le beau-père de l'an... le beau-père du patron, du papa de Caravage, si vous m'avez suivi, guide la flotte romaine à les Pentes. Hein, les Romains sont sous l'autorité d'un commandement espagnol, de Don Juan d'Autriche. Mais en tout cas, donc le beau-père du patron des Caravages, du couple Caravage qui vient d'avoir un petit Michel, est en mer à la recherche, évidemment, d'un grand succès. Et quand on a un fils aîné, le premier qui naît, comment mieux essayer d'encourager le signe du ciel que d'y reconnaître déjà un signe du ciel dans cette naissance et de lui donner un nom d'archange qui terrassera le dragon. Donc, qu'ont fait les parents du petit Caravage, un petit corps nu vagissant, ils lui ont donné un nom de saint. Que fera Caravage toute sa vie en peinture? C'est retrouver le corps, vagissant, nu, méconnaissable, et retirer le nom. Après, chacun jugera, évidemment, de la place qu'a pu avoir cette scène primitive, dirait-on aujourd'hui, que Caravage pouvait aisément reconstituer en consultant son prénom. Il s'appelait Michel, pas un hasard, et l'année de sa naissance. Donc ce Baptiste, c'est aussi l'invitation à voir à travers les noms, les symboles, à écarquiller les yeux, à retrouver ce visible que l'on sentait dans la nature morte et dont on a été privé, puisque la nature morte, c'est l'imitation parfaite, c'est rendre le visible, ses limitations. Le clair-obscur que nous avons vu ensuite, c'est le coup de projecteur, ça rend visible. On insiste, on fait advenir à la lumière, rendre visible. Mais Caravage, à travers les Baptistes, a un projet encore plus fou, serais-je tenté de dire, c'est rendre au visible. Rendre au visible une dette, un culte. Voilà, il y a ce thème d'une visibilité première, d'une innocence, d'un corps qui n'était pas entré dans la langue, d'un corps qui n'était pas encore incliné et recouvert de symboles et de langage, que Caravage retrouve au désert à travers la figure de Baptiste dans ce corps qui finalement n'est pas encore son nom, n'est pas encore sa gloire et se refuse à être identifié à la peinture très allégorique, évidemment des saints tels que l'a pratiqué les autres peintres de l'époque. J'ai parlé de Galilée pour rappeler que le Messager des Astres est publié en 1610, l'année de la mort de Caravage. Galilée ne fait pas autre chose dans les sciences. Galilée, il a la chance de perfectionner le télescope qu'il n'invente pas. Il le braque sur la Lune, il regarde la Lune, et que voit-il ? Il est même sidéré. Il voit que la Lune a des trous, des creux, des bosses, ce qu'aucun œil humain n'avait pu voir, faute d'être amplifié par le télescope, et donc que la Lune n'est pas l'astre parfait décrit par Aristote. Et Galilée sera condamné parce qu'il est copernicien, pas parce qu'il a dit que la Lune était abîmée. Mais c'est le même raisonnement. C'est en fait les images des livres, voire les images religieuses, peuvent être fausses. Un corps a plus de vérité que tous les noms, et je le découvre par l'œil. La différence, évidemment, entre Caravage et Galilée, c'est que Galilée, ensuite, essaiera de reconstituer une image juste qui colle avec l'observation. Ça, c'est la science. Caravage, on dirait qu'il se satisfait que tout œil écarquillé qui voit vraiment puisse dénoncer la fausseté de l'image religieuse ou peinte. Et voilà, c'est cette nostalgie du visible, rendre visible, que l'on sent dans cette peinture qui est en exil, dans la figure, les biographies, les noms, et cherche à retrouver un pays perdu, qui serait ce pays du perçu, originel, des corps, sans la réflexion, le regard et la réciprocité. Est-ce qu'on peut dire que cette toile, une des dernières toiles du maître, du Caravage, c'est aussi une toile d'un Caravage qui s'assume, qui est installé, parce qu'on a, on a peut-être pas parlé, Olivier Vickers, de la célébrité du Caravage, hein. Il était torturé, mais il a connu le succès. Donc, on imagine un peintre qui a un certain succès, qui fait bouger des peintres de l'Europe entière, en Italie pour essayer d'approcher son œuvre. Ce peintre-là, ce Caravage-là, n'a-t-il pas été prisonnier du Caravage aussi, du style Caravage? Alors, Caravage, il n'a connu que le succès. Dès ses premiers tableaux de jeunes gens de nature morte, on se les arrache. Il y a des gestes de passion incroyables consentis pour avoir ces tableaux-là. Je parlais de Borghese qui fait emprisonner d'autres collectionneurs pour leur ravir les tableaux du Caravage. Même la peinture religieuse qui donnera lieu à beaucoup de scandales, des tableaux rejetés, ce sont des tableaux immédiatement rachetés, qui n'empêchent pas d'autres commandes dans les églises. Et paradoxalement, Caravage qu'on prend aujourd'hui pour un génie maudit et qui ne vendait pas de tableaux, c'est plutôt l'équivalent d'un film américain aujourd'hui. Ceux qui le critiquent trouvent justement qu'il est trop commercial, qu'il a recours à des effets spéciaux trop violents et qu'il manque de subtilité. Et ce n'est pas un film d'auteur, voilà la critique qu'on fait à Caravage, alors que pour nous c'est l'inverse. C'est un auteur égaré dans une époque académique et finalement, méfions-nous de nos visions rapides, retournons devant les tableau et essayons de savoir en quoi il nous regarde. Alors justement, en ce moment, Olivier Vickers, au Petit Palais, il y a l'exposition « Les bas-fonds du baroque ». On se rend bien compte que les caravagesques ont existé du vivant de Caravage, déjà. Alors, j'espère, cher Toufi, qu'on a bien senti, quand on a parlé de Saint-Louis des Français, que la technique du clair-obscur, elle n'a de sens et de puissance que si elle renvoie à une métaphysique où devenir soi est tragique. Être limité, nommé, c'est une tragédie parce que quelque chose est perdu. Utiliser la technique, le clair-obscur, comme les caravagesques, au profit de l'anecdote, de l'atmosphère de taverne, sans le sentiment du tragique, c'est non seulement une trahison, mais pour moi, cela provoque une peinture ennuyeuse. Une peinture ennuyeuse peut faire une belle exposition, c'est une belle exposition, avec une très belle scénographie. Je recommande d'aller la voir, mais je pense qu'elle atteint moins l'intime de chacun, le sens de son existence, ce qui est blessé en soi, ou pas blessé d'ailleurs, ce qui a été surmonté. Et voilà, une technique sans sa métaphysique, c'est toujours un peu triste. Vous avez choisi un tableau du Louvre, la mort de la Vierge, Caravage le peint juste avant sa fuite en exil, et vous parlez d'avoir été. Je rappelle que ce tableau du Louvre, pour avoir une idée, si vous ne le connaissez pas, il y a un lien à la page de l'émission. Cette même page vous offre aussi la possibilité de lire les articles et conférences qu'Olivier Vickers, notre tête chercheuse, a consacré ces 20 dernières années au Caravage. Avoir été. Et puis ce tableau, Olivier Vickers. Alors, la mort est très présente dans l'œuvre du Caravage à partir de 1600, d'une Judith Holoferne. Dans les 10 années qui suivent et qui lui restent à vivre et à peindre, il peindra une douzaine, là encore, de martyrs, de décollations et de morts. Alors, je ne sais pas si Caravage avait entendu le très beau vers de Quevedo, un poète espagnol qui est son contemporain, et qui nous encourageait à écouter les morts avec les yeux. Donc le sujet, c'est qu'est-ce que les morts ont à nous dire, mort peint, mort de cette peinture, et particulièrement la mort de la Vierge, en effet, ce tableau, ce très grand tableau, très spectaculaire, de plus de 3 mètres de haut, très digne, qu'on peut voir au Louvre, et que le Caravage a peint juste avant de commettre ce meurtre qui l'oblige à quitter Rome, tableau lui-même déjà crépusculaire, puisque vous aurez vu que Caravage, pas plus qu'une vie n'est entièrement chronologique, Caravage n'est très chronologique. Il commence lumineux, puis le crépuscule vient, non, la nuit vient à travers le clair-obscur, et le crépuscule vient après la nuit, hein, ce qui n'est pas très logique. Et donc là, on est, en tout cas pas très chronologique, on est sur l'éteinte crépusculaire de la fin des années romaines. Et ce tableau est extrêmement célèbre, puisque selon les spécialistes de l'histoire de l'art, il va provoquer un tel scandale qu'il est le premier tableau à être montré au public, à faire l'objet d'une exposition. Il est d'abord refusé par les carmes déchaussés du Trastevere, qui n'en veulent pas dans leur église. Il avait été peint pour une chapelle privée, c'est pas eux qui l'avaient commandé, mais en tout cas ils n'autorisent même pas à ce qu'il décore la chapelle privée. Qu'est-ce qui choque? Qu'est-ce qui gêne? Alors, Qu'est-ce qui provoque cette polémique, Olivier Vickers? Alors, on va y venir. Moi, j'ai une amie sicilienne qui m'a dit n'avoir jamais pu voir ce tableau sans pleurer. Vous voyez, mais ça, c'est une amie sicilienne de ce siècle. Donc, les carmes déchaussés sont-ils choqués par les pieds nus de la Vierge? C'est possible. La Vierge, dans ce grand tableau, a les pieds nus. Et Caravage avait déjà vu un de ses tableaux refusés, une inspiration de saint Matthieu, à Saint-Louis des Français, quelques années après le succès du martyr et de la vocation de saint Matthieu, parce qu'il avait mis au premier plan un pied nu. On met pas un pied nu au premier plan. Voilà, on fait pas du pied, des pieds de nez, le pied c'est bas, on ne le met pas au premier plan, sous le nez de son spectateur. Alors, est-ce que les pieds nus de la Vierge ont joué? On peut dire aussi que cette Vierge est tendue moins sur un lit que sur une table de dissection d'écarisseurs, rappelle ce thème de la présentation chez Caravage. C'est vraiment un cadavre. Une enveloppe vide, un corps déserté, puisque finalement la Vierge, une fois le Christ crucifié, ressuscité, à quoi sert la Vierge? Et donc là, il y a quelque chose d'une enveloppe vide, après qu'on a lu la lettre qu'elle contenait, qui est mis, ou une coque d'insecte, une fois que le papillon l'a quitté. Et puis, probablement un cœur trop transparent, puisque la rumeur publique dit que le peintre aurait pris pour modèle une noyée ou une prostituée. Et évidemment, prendre une noyée ou une prostituée pour modèle de la Vierge, c'est un scandale sans précédent, mais qui ne serait pas crédible si le corps trop nu, trop vide de cette Vierge, précisément, n'ouvrait pas la possibilité d'évoquer le cadavre. Tertullien disait « le cadavre, c'est ce qui n'a de nom à aucune langue ». Et donc on retrouve cette obsession chez Caravage de sortir du langage, d'un corps ou qui ne s'y inscrit pas, ou qui en sort. Et pour finir, les éléments du scandale que l'on connaît, le ventre de la Vierge est gonflé, ce qui a nourri l'idée aussi d'une mort par noyade, mais qui peut être un contrepoint tragiquement ironique avec la maternité de la Vierge. La Vierge, on la connaît parce qu'elle a porté le sauveur du monde pour ceux qui y croient, donc la maternité. Et évidemment, présenter une morte, le ventre gonflé, donc gonflé de tissu, vide, c'est d'un point de vue de la littéralité de l'apparition, peut-être anatomiquement fondé, mais évidemment en termes dogmatiques insupportables. Donc le tableau a beaucoup de raisons d'être refusé, et tout refusé qu'il est, Rubens, de passage à Rome, le fait acheter en disant « c'est de la très grande peinture », et le public romain veut le voir avant que Rubens ne le fasse emporter à Mantoue, puisqu'il l'achète pour le comte des Gonzagues de Mantoue. Et c'est donc le premier tableau, selon les historiens de l'art, a finalement fait l'objet d'une exposition publique, un peu comme au musée, et je pense qu'il a suscité plus d'émotions en effet en 1606 que dans la Grande Galerie du Louvre aujourd'hui. On peut le voir avec beaucoup de tranquillité, sans être dérangé par la foule. Alors c'est un tableau très digne, la Vierge est vêtue de rouge, et au-dessus d'elle, elle est donc allongée sur cette sorte de table un peu sommaire, en effet, comme un corps, même s'il est entouré des apôtres, un corps un peu jeté là, hein, ou peut-être rejeté en effet par le Tibre si c'était une noyée. Un grand rideau rouge occupe la moitié du tableau en haut, de telle sorte que de toute façon la Vierge ne peut pas s'élever. Cette Vierge dont on ne sait plus quoi faire, si elle sort, elle sortira du tableau par la droite, elle ne sortira pas par le ciel, hein, donc par rapport à nos visions d'Assomption. On est sur un dispositif très horizontal, et moi ce qui m'émeut aussi beaucoup dans ce tableau, c'est que cet immense rideau rouge dans lequel elle irait s'empêtrer par un effet de comique involontaire si elle devait monter au ciel, qui la bloquerait, de ce rideau tombe, descend une sorte de cordon qui servirait peut-être à tirer le rideau, mais en tout cas qui est un cordon qui pend, et souvent dans la peinture du Caravage, on voit ce genre de tissus qui pendent, qui ne servent pas. Et il y a comme un contrepoint ironique avec nous, les humains, qui croyons tellement servir, avoir tellement de faim, tellement de moyens à développer, je pense que nous faisons bien d'ailleurs, hein. Mais dans cette obstination des choses à être seulement elles-mêmes, il y a là aussi, vis-à-vis de la biographie et de l'ambition, de se transformer, d'être un autre, une sorte de contrepoint angoissant ou excitant, mais en tout cas qui mérite d'être, à mon avis, souligné. Alors, pourquoi mon amie sicilienne pleurait? Je sens que vous alliez me poser les questions. Mm-hmm. Moi, je me suis posé les questions et je me suis dit, qu'est-ce qui fait pleurer dans le spectacle d'un cadavre? Beaucoup de choses, chacun jugera. Mais je pense aussi, c'est qu'avec les morts, on n'échange pas de regard. On en a fini avec la réciprocité, la symétrie. Et là, il y a une détresse dont on comprend dans le système du Caravage qu'en fait c'est pas la fin ou l'interruption de quelque chose quand on est sorti de la réciprocité du regard, c'est au contraire le rétablissement de cette vérité perdue, visible, physique, après laquelle Caravage aura couru toute sa vie, sortir de la réciprocité, renouer avec le calme de la chose, en finir avec la fausseté des échanges et sortir du malentendu. Donc on ment souvent aux enfants, on leur dit les morts sont en voyage, bah, le tableau ce qui nous montre, non, les morts sont pas en voyage. Les morts, ils restent, ils demeurent, ils sont peut-être un peu demeurés au sens obtus, opaque, puisqu'on ne peut pas échanger. Ils sont dans leur dernière demi-heure, et ceux qui pleurent autour, les apôtres, dans la religion chrétienne, ils pleurent ce dernier départ. Mais moi je vois aussi dans l'imagerie caravagesque, je ne sais quelle tristesse de rester en arrière, tandis que la Vierge, elle s'est retrouvée en restant elle-même sur place. C'est les apôtres qui vont quitter cette pièce tout à l'heure pour retrouver la nécessité de prêcher, de convertir les païens, tandis que la Vierge, parfaitement elle-même, dans le rouge, peut-être inutile, mais sortie finalement des exigences biographiques et totalement rétablie dans les droits d'un corps qu'on peut plus finalement embêter, qui ne parle plus qu'à l'œil. Ce signal a certes cessé d'émettre, mais de ce point de vue, il est sorti du registre des malentendus et des faux échanges. Alors c'est un tableau qui a vraiment sidéré, on pourrait dire « ceci n'est pas une Vierge », on avait parlé pour les Saint-Jean-Baptiste, et par référence à Magritte, ceci n'est pas une pipe, ceci n'est pas un Saint-Jean-Baptiste. Et Caravage, c'est sans doute ce passage perpétuel de l'étonnement à la surprise, à la sidération. L'étonnement, finalement, c'est une chose assez générale. On s'étonne que ceci ou cela existe, soit présent sous nos yeux. La surprise, c'est déjà singulier. On est surpris que quelqu'un fasse quelque chose. C'est-à-dire, je suis surpris par quelqu'un. La sidération, c'est peut-être finalement quand c'est le possible de personne et de tout le monde. C'est la mort. Donc c'est l'incroyable du certain. Et cette Vierge morte, elle nous sidère, pas seulement parce qu'elle ne ressemble pas à une Vierge de peinture, pas seulement parce qu'elle semble une vraie morte, mais finalement parce qu'elle ressemble effectivement à ce possible de chacun et de tout le monde, qu'est la mort, la plénitude, mais aussi l'abandon, et une forme d'impossible disparition. Les morts restent à l'image, on ne disparaît pas, on est là, retrouvés, mais aussi intouchable et inatteignable. Est-ce que vous diriez, Olivier Vickers, que cette toile, que ce tableau aurait été fait de la même manière si le Caravage, à ce moment-là précis, n'avait pas donné la mort, parce qu'il venait de tuer, là. C'était juste avant sa fuite et l'exil. Alors, le premier tableau de donner la mort peint par le Caravage, c'est la Judith et Holoferne en 1600, donc avant le meurtre qu'il commet en 1606. Et c'est déjà une Judith extrêmement appliquée qui découpe la tête d'Holoferne avec soin, comme on suivrait un patron dans un journal de couture. On administre la mort, et je crois qu'il avait une idée très précise qu'en fait on rétablit Holoferne dans les droits d'une espèce d'infini, d'indéfini. Puisque moi je pense, pour conclure, que ce qui passe chez Caravage, s'estompe, cette lumière qui disparaît, c'est cette sorte d'espoir de revenir au visible à un avant de la figure. Et ce qui ne s'éteint jamais, au contraire, c'est cet indéfini, ce vide, ce noir et ce nu dont parle Baudelaire, qu'il avait sous les yeux quand il commençait à peindre devant la toile nue, et qu'il arrivait à garder en n'incarnant pas, en ne figurant pas assez l'infini, ou en faisant sentir qu'en tout cas, toute figure contient plus grand qu'elle. Et c'est ce double mouvement de ce qui est resté un noir illuminé et une lumière éteinte qui donne, sous forme d'un chiasme, la force, la puissance et de l'œuvre de chaque tableau du Caravage, selon moi. Ça a été un plaisir de vous avoir, Olivier Vickers, pour Caravage, perdre le jour. Vous êtes haut fonctionnaire, je le rappelle, mais vous avez publié des essais sur Sartre, sur Proust, chez Gallimard et Flammarion, et depuis 20 ans, vous travaillez sur Caravage, sur lequel vous avez publié des articles et des conférences. Et là, vous venez de finir tout un essai, La peinture en exil. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. C'était Tête chercheuse, à retrouver sur franceculture.fr pour écouter l'émission, pour avoir plus de précisions sur la bibliographie de nos invités et avoir aussi quelques illustrations inédites. Dans un instant, le grand large, le voyage d'évasion avec Catherine Libert. Merci de passer votre été avec France Culture.